commencer par la prière. Notre bon Père du ciel, on te remercie de tes bontés, une façon que tu manifestes ta bonté, c'est tu nous dis ce qui est vrai, ce qui est faux, tu nous dis qui tu es, tu nous as révélé ton plan, tu nous as tu as décidé de faire de nous ton habitation, tu es venu habiter de tes enfants. Et c'est de la bonté, ça. C'est des choses qu'on ne méritait pas et que tu nous as accordées à cause de l'œuvre de Jésus-Christ. Donc, cet après-midi, nous terminons, Seigneur, cette épître dans laquelle tu nous as instruits. Et on te demande, Seigneur, que tu continues à nous montrer qu'est-ce qu'on doit faire ensemble, en attendant ton retour. En attendant que tu viennes chercher ceux que tu as choisis et qu'on puisse être transformé, changé, ressuscité dépendamment et qu'on puisse monter dans les airs, te rejoindre. C'est le moment qu'on attend. C'est le moment qu'on désire. C'est ce que tu nous as dit. Donc, conduis-nous par ton Esprit Saint. Amen. Amen. Nous sommes rendus dans la partie qu'on appelle souvent la partie pratique. L'apôtre Paul a la tendance ou l'habitude de faire une partie de ses épîtres, c'est de la théorie, une partie c'est la pratique. Donc, quand il tombe dans la pratique, habituellement, vous voyez apparaître les impératifs. Il y a des épîtres qui peuvent avoir jusqu'à 30 impératifs. Donc, il y en a des commandements, l'impératif, ça reste un commandement. Ici, il va y en avoir une douzaine aujourd'hui d'impératifs. Et si vous regardez les impératifs de Paul dans les épîtres qu'il a écrits, vous allez voir que ça se ressemble pas mal. Il va dire souvent, aimez-vous les uns les autres. C'est des choses. Et des fois, tu pourras dire, mais quand tu en as une, tu les as toutes. Mais il va falloir regarder le contexte. Si je dis un homme aime ta femme, puis qu'elle est en train de mourir sur son lit d'hôpital, ça va peut-être vouloir dire autrement que aime ta femme le jour que tu la maries. Ça va peut-être être un peu nuancé, en tout cas dans la pratique. Donc ça va être. Nous, il faut essayer de comprendre quand Paul donne ses impératifs, à qui il les donne et dans quel contexte il les donne. Ça fait une différence. Donc, on va essayer de voir ça ensemble. Est-ce que ce qu'on a vu jusqu'à date, c'est une église qui n'est pas tellement vieille dans la foi, qui a accepté l'Évangile dans la persécution. Il était déjà persécuté. Paul était déjà persécuté. Paul fuyait déjà les gens. Les autres se sont convertis pendant que les Juifs voulaient persécuter Paul, même pendant les 3 semaines qu'il était là, ils voulaient déjà le persécuter. Donc, ils savaient que l'Évangile, s'il l'acceptait, il y aurait une forme de persécution. Et donc, quand Paul écrit la première lettre, il leur mentionne 3-4 fois, vous êtes dans la persécution, dans les tribulations, dans les calamités. Puis quand on va faire la deuxième épître, ils sont encore dans la persécution, parce qu'ils parlent encore de ça. Donc, ils sont dans un temps des autres de persécution. Donc, on va essayer de voir, parce que qu'est-ce qu'il veut dire à cette Église-là qui vit de la persécution et aussi qui vit des difficultés à l'interne. Donc, il y a un manque de connaissance. On a vu à cette place, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. J'aimerais vous affermir, j'aimerais aller vous voir pour compléter la foi que vous avez. Et dans la deuxième épître, il va répéter la même chose. Donc, Paul, cette situation-là de l'Église a amené des difficultés dans l'Église. Là, ce n'était plus la persécution, mais il y avait aussi la persécution, mais à l'intérieur. Quand la persécution vient juste de l'extérieur, l'Église actuellement fonctionne. Et quand il y a des troubles à l'intérieur, l'Église a plus des difficultés. Donc, l'Église doit se battre avec, on a vu la semaine passée, ou 2 semaines, il y en a qui étaient affligés, parce que les chrétiens commençaient à mourir et ils ne comprenaient pas qu'est-ce qui était pour arriver. Il les a affermis en leur disant, faites-vous-en pas, ceux qui meurent, ceux qui sont vivants, quand Jésus va revenir, on va tous monter ensemble, puis on va être avec lui tout le temps. Donc, ils ne manqueront rien, ils vont être là pour l'établissement du royaume de Dieu, comme les autres. Donc, ne vous en faites pas avec ça. Mais dans la deuxième épître, il va. Puis je crois que la personne va emmener la lettre, cette lettre-là qu'on voit, là, qu'on va terminer aujourd'hui, et il va revenir avec d'autres informations. Donc, dans la deuxième épître, il va leur dire, vous avez reçu une lettre soi-disant venir de nous, disant que le retour du Seigneur est déjà arrivé. Donc, les chrétiens sont encore troublés. Et ça fait la bisbille à l'intérieur de l'Église. As-tu raison? As-tu raison? As-tu manqué le retour du Seigneur? As-tu fait des erreurs? As-tu mal compris? Donc, tout ça, on doit le garder dans notre tête, s'en rappeler. Quand on va lire les impératifs, ça fait partie, ça, de leur vécu, de leur quotidien, de leur vie en tant qu'Église, en tant que croyant. Puis ce que je vais vous conseiller, ce que je vais vous suggérer, c'est qu'on n'essaie pas de voir, comme on le fait souvent, comme je l'ai fait souvent, de voir les impératifs et les individualiser. Quand il dit « Soyez heureux, soyez toujours joyeux », on le prend pour nous. Moi, François, je devrais être toujours joyeux. Mais si on le met dans le groupe, c'est un petit peu différent que si je le mets en individu. Donc, on va essayer de voir ensemble les impératifs, mais qui s'adressent à un groupe, et non pas juste à un individu dans le groupe, ou à quelques individus dans le groupe. Donc, on va regarder ça ensemble. Et les deux dernières semaines, on avait vu ensemble le retour du Seigneur. Vous devez veiller, vous devez être sobre, vous devez attendre le retour du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, maintenant, à partir du verset 12, dans le chapitre 5, on va voir les impératifs. Je ne sais pas dans vos Bibles comment c'est écrit. C'est-tu à la suite? Les traducteurs pour vos Bibles ont-ils fait des séparations? Ils ont-ils fait des paragraphes? Ils ont juste écrit sans faire de paragraphes? Donc, on va essayer de comprendre l'auteur. Je crois que l'auteur rassemble certains impératifs. Donc, vous allez comprendre ce que je veux dire quand on va le voir ensemble. Donc, on va lire ensemble à partir du verset 12. On va lire jusqu'à la fin du chapitre. On va voir l'ensemble des impératifs. Moi, j'essaie toujours de faire, je le dis, j'essaie de dire, si j'avais été assis là, dans l'Église, et là, que je me fais lire la lettre par Timothée qui l'amène, je ne sais pas qui l'amène, la lettre. Là, il lit ça à l'Église. Qu'est-ce que j'aurais vécu? Qu'est-ce que j'aurais ressenti? Qu'est-ce que j'aurais compris, moi, si j'avais été là? C'est ça le but qu'on appelle le contextuel, de mettre un contexte et de dire qu'est-ce qui se passait là, qu'est-ce qui arrivait là. Quand quelqu'un dit tu devrais éteindre le feu, tu es dans la maison ou c'est dans le bois, ou c'est dans le cours, ou c'est ailleurs, si je ne sais pas, je peux paniquer, ou je ne peux pas dire c'est indifférent, c'est pas chez nous. Mais si je dis tu devrais éteindre le feu qui est dans le cadre, là, ça devient plus sérieux pour moi. Donc, le contexte, c'est ce que ça veut dire, c'est de comprendre le contexte de cette église-là. Qui vit ces choses-là. Donc, on va commencer avec Denise, verset 12, puis on va descendre jusqu'à la fin du chapitre. Nous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leurs œuvres. Soyez en paix entre eux. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce dans toutes choses. Parce que c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties. Examinez tout avec soin et retenez ce qui est bon. Évitez le mal sous toutes ses formes. Et gardez-vous de ce qui est mauvais, sous quelque forme que ce soit. Que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saint et qu'il vous garde parfaitement esprit, âme et corps, pour que vous soyez irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Frères, priez pour nous. Saluez tous les frères par un saint désir. Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous, avec vous. Donc, on a vu cet ensemble d'impératifs, là, je pense qu'il y en a une douzaine à peu près. Mais dans ma compréhension, les impératifs se regroupent. Donc, se regroupe. C'est comme si je donnais des impératifs à une gang de personnes qui travaillent sur la construction, ça se regroupe. D'un coup, je m'adresse à un autre groupe qui sont dans une autre situation. Donc, il regroupe les impératifs. J'ai l'impression que c'est ça qu'il fait. La première chose qu'il fait, on va essayer de le voir comme dans cet ensemble d'impératifs qu'il donne, il les donne avec quelle intention? Il les donne avec une intention précise. Il s'adresse à des gens précis, n'est-ce pas? À des gens généraux qui ne connaissent pas vraiment. Il parle à des gens qui sont dans une situation assez précise. Donc, il veut les aider à... Si j'avais à résumer l'épître de Thessaloniciens, la première épître, il veut donner à l'Église des recommandations, des informations, des instructions pour qu'ils puissent garder l'Évangile jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ qu'il vient les chercher. C'est ça qu'il veut leur faire. Il ne pense pas qu'il dit, mais là, je vais vous donner des impératifs pour que vous deveniez des meilleurs chrétiens en attendant. Tu sais, là, vous avez du temps à perdre maintenant en attendant le retour du Seigneur. Je vais vous donner des impératifs pour essayer de devenir des bonnes personnes. Ce n'est pas ça le but. Je vais vous donner des impératifs, mais qui vont vous aider, vous autres, à attendre le retour du Seigneur Jésus-Christ, ensemble. C'est différent. Si je te donne un impératif, que je ne te donne pas la raison d'impératif, ça peut devenir un fardeau. Mais si je te donne des impératifs et que tu comprends que c'est pour ton bien-être et le bien-être de l'Église, ça devient un aide pour t'aider à persévérer. C'est ça que tu veux faire. En tant que chrétien, tu veux persévérer jusqu'au retour du Seigneur. Puis je vais te donner des impératifs, des choses à faire ensemble qui vont. Ça va vous aider, vous, à attendre le retour du Seigneur ensemble. Là, ça devient positif. Ça devient comme waouh, j'ai hâte, je veux le faire parce que ça va m'aider à attendre le retour du Seigneur. Nous, on a vu souvent les impératifs dans les épîtres comme. Moi, je me souviens une fois, les premières fois, j'avais lu l'épître de ton Romain, les 30 impératifs, je disais, pis, t'aurais pu en donner un quart, je vois, 30 d'un coup sec, j'arriverais jamais à faire ça, tu sais. Ça devenait écrasant, puis ça devenait comme. C'est comme si tu dirais, je te donnerais quelque chose à faire, mais sans te dire la raison, ça deviendrait comme un fardeau. Pète la cour, mais je te dis pas, mais pète la cour parce que l'ambulance va venir dans une semaine, ou dans une journée, ou dans une heure, et elle va pouvoir reculer. Ah ben là, tu vas aller pelleter avec enthousiasme, avec encouragement, parce que tu as une raison pour laquelle tu vas pelleter. C'est pas juste te dire, fais plus de péché, pourquoi tu me dis ça? Parce que tu ne devrais pas faire de péché, puis fais pas de péché. Ça m'aide pas, là, ça va même m'écraser un peu. Mais si je te dis des impératifs, puis je dis, voici ça, ça va t'aider, ou ça va vous aider à persévérer comme vous voulez déjà le faire persévérer jusqu'au retour du Seigneur. Voyez-vous la nuance? La nuance est importante pour moi, là-dedans. Et le premier groupe d'impératifs qu'il donne, sur versets 12 et 13, nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirige dans le Seigneur et qui vous exhorte. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Je vais faire la petite parenthèse. Je vous avais dit, quand Paul a envoyé Timothée, que je pensais, je croyais qu'il avait la mission de mettre en place des anciens dans le groupe. C'est ça que Timothée faisait souvent. C'est Paul l'envoyait, comme on va voir dans l'Épître à Timothée, « Je t'ai laissé à Éphèse pour que tu établisses des anciens. » Voici les critères pour établir des anciens. Ici, l'Église n'est pas vieille, mais il y a déjà des gens qui travaillent parmi eux. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont déjà engagés par l'Église ou soutenus par l'Église ou mandatés par l'Église, rénumérés ou pas rénumérés, mais ils travaillent parmi eux. Donc, il dit, c'est le premier impératif qu'il leur donne. Qu'est-ce, comment vous comprenez ça? Là, on ne va pas essayer de voir, il y a quelqu'un qui a marqué sur Facebook cette semaine, un cours en leadership dans l'Église, blablabla. Là, il y a un débat qui a commencé comme ça, très souvent, un débat qui marche parmi les chrétiens. Il y en a un qui a soulevé le point, il dit, tu présentes ça comme si c'était comme spécial, c'est le côté leadership. Lui, il dit, c'est un cours pour ceux qui font, qui dirigent, mais il y a des cours pour les autres aussi. Là. Si tu donnes des cours juste à ceux qui dirigent, je ne comprends pas, parce qu'il y a d'autres choses à faire dans l'Église. Pourquoi tu donnes juste à ceux-là? Lui, il faisait un peu le reproche qu'on a mis trop d'emphase sur l'importance des leaders, puis pas assez sur les autres dans l'Église qui ont d'autres fonctions. Parce que toutes les fonctions, les leaders ne peuvent pas fonctionner si les autres fonctions ne sont pas non plus en fonction. Donc, ce qui est en train de dire dans le contexte des Thessaloniciens, qui se posent des questions, qui sont troublés, qui n'ont pas beaucoup d'informations, il dit, une des choses que je vous demande, c'est que vous soyez en paix avec ceux qui vous dirigent. Il faut que vous ayez une harmonie avec ceux qui vous dirigent. Puis, on dirige comment? Ces gens-là qui vont diriger, ils ont juste un outil pour diriger, les Écritures. Ils n'ont pas d'autre outil, vraiment. Donc, ces gens-là vont vous donner la direction. Diriger, c'est ce que ça veut dire, hein? Donner une direction. Ils vont vous donner une direction en ce qui concerne les Écritures, en ce qui concerne l'Évangile, en ce qui se concerne ce que Jésus a enseigné, ou ce que Paul a enseigné, ou ce que Timothée a enseigné. Et une Église qui n'a pas, là on parle en groupe, si on est un groupe d'hommes et de femmes chrétiens, puis il n'y a pas personne qui donne la direction spirituelle, on s'en va dans toutes les directions. On s'en va dans toutes les directions. Et puis il n'y a plus de direction pour aller dans la bonne direction, il n'y en a plus. Et vous allez dans des églises qui n'ont plus de pasteurs depuis un an, 10 ans, là, vous allez voir la confusion spirituelle qui s'installe parce qu'on n'a plus personne qui donne une direction. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Qu'est-ce que le Seigneur nous enseigne? Qu'est-ce que le Seigneur veut qu'on fasse? Donc, il dirige dans le Seigneur et il vous exhorte. Donc, il vous encourage. N'as-tu qui ont d'autres? Le mot exhorter, moi j'ai le mot exhorter à la fin du verset 12. N'as-tu qui ont d'autres? Vous donnez vie, vous donne conseil. Donne conseil, donc vous exhorte. Et c'est le même mot que là, que le mot au chapitre 4, verset 14, avertissez. C'est ceux qui vous avertissent. C'est ceux qui vous disent, hey, tu t'en vas pas dans la bonne direction. On est parti dans une mauvaise direction, il faudra revenir. Parce que c'est le rôle, puis vous allez voir, dans tout le Nouveau Testament, je dirais tout, parce que c'est ça que je pense, que c'est dans tout le Nouveau Testament, chaque fois qu'on parle de fausses doctrines, de faux docteurs, c'est toujours aux anciens de s'occuper de ça. C'est eux autres qui devraient dire, « Hey, on s'en va dans une mauvaise direction spirituellement. On se fait avoir. » Comme là, il y a un débat dans le monde évangélique à cause de ce que je vous ai parlé l'autre jour, de ce fameux réveil qu'il y a à Asbury, aux États-Unis, dans le Connecticut, là. Kentucky, je veux dire. Il y a tout un débat là, que c'est valable, c'est pas de Dieu, c'est de Dieu, puis là, tout le monde donne sa petite sauce. Là. Puis là, il y a des chrétiens qui là, ça prend quelqu'un qui va essayer de dire, mais la direction de Dieu, c'est quoi là? Qu'est-ce que Dieu nous a dit? Donc, j'ai répondu à quelqu'un, j'ai dit, j'ai jamais vu dans la Bible, nulle part, dans le Nouveau Testament, qu'il y avait des réveils. Ça n'existe pas dans la Bible des réveils. Je n'ai pas vu. Je ne sais pas ce que vous... J'avais été chercher cette expression-là, d'où ça vient, cette idée-là qu'il y avait des réveils. Je ne dis pas qu'il ne se passe pas de quoi, mais pourquoi vous avez décidé d'appeler ça réveil? Puis pourquoi quelqu'un qui... Mon réveil, dans ma tête, c'est... On réveille des gens endormis. J'ai dit, la Bible, elle ne parle pas de ça. La Bible appelle les gens à se repentir et non pas se réveiller. Elle appelle des gens à fonctionner, à obéir, non pas se réveiller. Donc, comment est-ce qu'on va prendre soin de ça? Et ici, dans notre contexte, c'est, on parle surtout ici de la doctrine du retour du Seigneur, dans notre contexte à nous autres, les Thessaloniciens. Trouble en ce qui concerne le retour du Seigneur. Trouble en ce qui concerne qu'est-ce qui arrive avec ceux qui meurent et qui sont que le Seigneur Jésus n'est pas revenu. Il prend quelqu'un pour redonner la direction. Là, c'est Paul qui le fait, ou c'est Timothée qui le fait. Là, c'était ceux qui travaillent parmi vous qui devraient le faire. Donc, il est important d'avoir un état d'âme, je tiens pas à dire, de relation avec ces gens-là. Ce qui dit à la fin, soyez en paix entre vous. Parce qu'ici, tu n'as plus confiance à celui qui donne la direction. Tu sautes par-dessus le bord, tu t'envoies, tu changes de bateau. Là, tu dis, j'ai plus confiance au capitaine, on ne s'en va pas à bonne place. Donc, je débarque. C'est pour ça que dans les églises, c'est souvent personne qui va partir. Ce n'est pas toujours la raison qui pense que le leader ne donne plus la bonne direction spirituelle. Mais à ce moment-là, si on voit que les gens qui enseignent ne donnent plus la bonne direction spirituelle, on dit, bien, soit qu'on le reprend puis qu'on l'enlève lui, ou bien, comme nous autres, on disparaît. Mais il est important qu'on garde une harmonie puis une paix entre ceux qui dirigent, exhortent, et ceux qui reçoivent l'instruction. Sans ça, ça ne va plus nous pendre. Ça n'avancera pas. Ça va être toujours là. Dans toutes les églises que j'ai passées à travers les années, il y a toujours un ou deux qui sont juste en train de toquer tout. Monsieur Philippe, pas M. Philippe, M. Gazette nous avait dit dans un cours, François, j'avais parlé avec lui, il dit individuellement, mais il avait dit aussi à toute la classe, il dit, il va toujours avoir quelques brebis dans le troupeau que tu n'es pas leur berger. Ils ne t'ont pas accepté comme berger. Maintenant, il dit, il va falloir que tu vives avec ça. Il y en a dans tous les états. T'es pas là. Ils vont à l'église avec toi, mais ils te font pas confiance. Là. Donc, tu vas avoir à dealer avec ça constamment dans ton ministère. Il y en a toujours. Puis donc, il dit, le danger, des fois, c'est que ces quelques brebis-là qui veulent pas vraiment suivre la direction du berger, ils accaparent tout le temps. Ils accaparent toutes les difficultés. Ils causent, donc, il dit, il va falloir les appeler à dealer. Qu'est-ce que vous faites avec ces gens-là? Donc, c'est pour ça que vous avez des fois qu'on disait, quand on vote un pasteur 100%, on disait, on voulait avoir l'unanimité. Parce qu'il y avait une certaine forme de sagesse là-dedans. Parce que s'il y en a 10 qui ne veulent pas t'avoir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Après, c'est toi qui es là, comme disent les gens. Ils vont-tu boquer? Bon, s'ils vont être vraiment matures, ils vont embarquer avec le groupe, puis on va dire, on y va. On est en démocratie, la majorité a voté. Bon, s'ils vont boquer. Donc, c'est dans ce sens-là. Donc, la première chose qu'il dit, si vous voulez aller jusqu'au retour du Seigneur, ensemble, vous devez avoir quelqu'un avec vous autres qui va vous donner la direction. J'ai marqué dans mes notes, dans les différents impératifs que vous allez entendre, lesquels vous pensez que vous êtes appelés à jouer vous autres comme importance? On va tous les voir, les impératifs, on est tous appelés, mais on n'est pas tous appelés à diriger. On est tous appelés d'être en paix avec ceux qui dirigent. Mais il y a différentes fonctions dans le corps. Puis dans lequel que moi j'excelle ou que j'ai eu un don, que j'ai le don de ce qui vient du Seigneur dans ce domaine-là, que je vais faire plus peut-être que les autres, ou je vais être plus capable que les autres dans ce domaine-là. Donc, tout le monde peut enseigner ses enfants autour d'une table avec eux. Mais ce n'est pas tout le monde qui va enseigner l'Église. Ce n'est pas tout le monde qui va donner la direction spirituelle. Mais tout le monde va enseigner un peu, en couple. En famille. Mais il y a une place où ce que dans le corps, parce que si vraiment on prend les impératifs et on les applique à tout le monde, puis qu'ensemble on doit faire ça, faut que je trouve ma place là-dedans. Faut que je trouve ma place. Je peux pas tout domper sur le pasteur et dire c'est lui ou le dirigeant, c'est lui qui va tout s'occuper de ça. Je peux pas, c'est, j'appelle ça un peu de la paresse ou de la lâcheté, je me recule, je me désengage. J'ai un rôle à jouer là-dedans. Okay, j'ai un rôle à jouer là-dedans. Donc c'est le, je sais pas si je vous ai déjà dit, j'étais à Val d'Or un moment donné, on a demandé aux chrétiens qu'est-ce que les pasteurs devaient faire. Pour mettre en place des anciens, on dit, écrivez sur vos papiers, qu'est-ce que vous pensez que le pasteur devrait faire dans une semaine? Puis, il y avait tellement de choses à faire, que ça avait pris 120 heures par semaine pour que le fasse. Il y avait tout dompé sur le pasteur. Tout dompé sur le pasteur. L'enseignement, les rencontres, la jeunesse, les coupes, tout ce que tu voudrais, il y avait dompé sur le pasteur. Les visites aux hôpitaux, les tout. Donc, c'était la mentalité qu'on avait dans cette époque-là. Donc, il faut changer cette attitude-là pour dire qu'est-ce que moi je vais faire en tant qu'individu pour aider le groupe à attendre le retour du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est quoi mon rôle que Dieu m'a confié, que j'ai des aptitudes? Donc, ici, il dit bien, soyez vraiment. Je ne crois pas qu'il est juste en train de dire élevez-les dans une position au-dessus de tous les autres, mais soyez bien sûr que vous êtes en paix avec ceux qui vous dirigent, parce que ça va aller vers la bonne affaire. Ça va bien aller. Moi, vous avez déjà travaillé avec des boss que vous n'aimez pas? Ça fait quoi? Vous finissez par quitter la job, finalement. Et c'est ça qui va arriver. Donc, c'est pas que je suis toujours d'accord, c'est pas que j'ai tout le temps raison, mais je suis en paix avec lui, je peux lui poser des questions, je peux aller voir, dire oui, non, pourquoi tu dis ça, qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Cette semaine, il y a un chrétien qui m'écrivait d'une autre église. Il dit, j'ai lu quelque chose dans un livre de John MacArthur, un de ses commentaires. Il dit, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je trouve qu'il est un peu simpliste. Bon, quand tu dis ça de MacArthur, tu dis, c'est le gars qui s'adresse à des millions de gens par semaine à travers ses enseignements, mais ça ne veut pas dire qu'il a toujours raison, non plus. On ne peut pas dire que si tu dépasses le 1000, là, tu as toujours raison. Non, c'est pas de main sur la main. Je crois qu'il avait eu une bonne attitude, il m'a posé la question. Qu'est-ce que tu en penses? Puis il sait très bien que j'ai une estime pour John MacArthur aussi. Donc, fait que j'ai pris le temps de répondre à cette personne-là, de dire, ben là, tu ne peux pas aller dire à MacArthur, il est en Californie. Et je peux te dire, ma façon de percevoir la vérité, mais ça ne veut pas dire que maintenant, il est en chicane avec MacArthur. Mais il a le droit de poser des questions. Parce que je crois que c'est important donc de dire qu'est-ce que je peux. Parce qu'on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Si toi, tu as un autre ministère, qu'est-ce que moi je peux faire pour t'aider? Mais si vous avez, qu'est-ce que je peux faire pour aider celui qui nous dirige? Qu'est-ce que je peux faire pour aider celui qui fait d'autres choses? Donc, parce qu'il y a une fonction mutuelle là-dedans ici. Okay, une fonction mutuelle, les uns envers les autres. Si celui qui fait, je ne sais pas, je vais donner un exemple un peu farfelu, bon, il y en a qui est en charge du bâtiment, mais ben, je jette mes diplômes de banane à terre, puis je m'en occupe pas, puis je ne ferme pas les portes, je ne donne pas vraiment un coup de main, là, je ne l'aide pas dans ce qu'il est en train de faire pour le Seigneur. C'est un peu farfelu, mais c'est l'idée que je pose. Si, mettons, on avait dans nos églises anciennement, nous, on est rendu à un âge. Il y avait l'école du dimanche. Oui, ce que je me souviens, moi, le temps, j'étais à Vito les premières années, les premiers 10 ans, j'étais à Vito. Quand c'était le temps de l'école du dimanche, il y avait plus de monde qui descendait en bas qu'il y en a qui restaient en haut. Je vais dire à M. Lanois, terre! Il y avait 120 enfants en bas de 12 ans, puis il y avait 32 professeurs qui descendaient pour ça. Il restait juste une petite gang en haut avec M. Lanois. Et donc, c'était. Mais là, je pourrais dire, mais qu'est-ce que je peux faire pour aider ces gens-là qui travaillent dans ce domaine-là, qui travaillent avec mes enfants, qui instruisent mes enfants? C'est pas juste occupez-vous-en, mais qu'est-ce que je peux faire pour les aider dans le domaine? Et vous, l'idée? Parce que si tous les ministères fonctionnent bien, puis il y a une forme d'harmonie et de paix, l'Église est dans sa force, dans sa plus grande force. Et quand il y a une désharmonie, ou de difficultés entre les différents ministères, mais c'est l'anarchie sur le bateau, ça va couler, c'est une question de temps. Donc la première chose, c'est ça qui parle ici, soyez sûr que vous avez des gens qui vous dirigent. J'ai pensé à ça, qu'est-ce que vous feriez si je tombe à mort demain matin? Faites quoi? Vous allez vous mettre d'autres personnes qui vont vous diriger spirituellement dans le sens enseigner les Écritures? Vous allez tomber dans d'autres places? C'est quelque chose de vrai, réfléchir. Il peut m'arriver la même chose qu'à Gaëtan dans 2 semaines, dans 3 semaines. Vous feriez quoi? Je vous encourage à prier là-dessus, à regarder, à réfléchir, à dire, on ferait quoi? Est-ce qu'on repart se mettre avec d'autres groupes? Est-ce qu'on reste notre groupe? Est-ce qu'on va chercher quelqu'un qui va nous instruire? Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est, je crois que c'est... Il ne faudra pas attendre que ça arrive pour y réfléchir et y penser. Parce que quand ça va arriver, là, ça va arriver quand Dieu va vouloir, mais il va falloir s'ajuster à ça. Et moi, je dis que c'est dans une période qu'il faut, juste se préparer. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui va arriver dans ce sens-là? Le deuxième groupe, il dit, nous vous prions aussi. Bon, il dit, nous prions, frères, d'avoir de la considération, d'être en harmonie avec vos dirigeants. Et quand ils vous exhortent, quand ils vous avertissent, quand ils vous instruisent, quand ils vous donnent la direction spirituelle, soyez en harmonie avec eux autres. Là, il dit, nous vous prions aussi, une autre chose, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Qu'est-ce que ça... Si vous prenez un mot ou une expression pour résumer ce verset 14-là, qu'est-ce que vous penseriez? Comment vous résumeriez ça ici? Ou quelle sorte de personne dans l'Église que vous voyez qui a la capacité de faire ça? Quelle sorte de don que ça prend pour faire ça? Tu sais, il y en a qui ont la capacité de créer des conflits. Il y en a qui ont la capacité de calmer les conflits. Beaucoup de compassion. Oui. Donc, des dons de compassion, des dons de miséricorde, des dons de consolation. Vous allez voir les listes de dons dans la Bible, vous allez voir. Donc, c'est des gens qui... T'es-tu porté, toi? Moi, François, vous, si tu vois quelqu'un qui est dans un état de faiblesse spirituelle, ou qui passe pendant un temps difficile spirituellement, t'es-tu porté à les voir? Ça t'attire-tu, ce genre de personne-là? Ou si c'est tendance, tu tournes la tête et ça va dans l'autre direction. Il y en a qui sont portés vers ça, ils aiment ce genre de travail-là. Il y en a qui disent, consoler, on avait vu l'affliger, ceux qui sont abattus. Mais c'est toujours, on pourrait dire qu'il peut être quelqu'un d'abattu par rapport, il a perdu sa femme, je ne sais pas quoi, mais on peut au moins le mettre du côté spirituel en premier. Ils sont découragés, comme on a vu, affligés, parce que le retour du Seigneur, tout ça. Si tu avais vu ça, tu aurais-tu été porté à aller voir ces gens-là? Ou si tu aurais dit non, c'est quelque chose que je ne suis pas capable de faire. Si j'y vais, je vais partir, ils vont être encore plus affligés. Parce que je ne suis pas le bon genre de gars. Moi, je me souviens, je l'ai déjà dit, quand j'allais à l'hôpital à différents moments donnés, quand j'étais à Victorville, j'ai emmené Aline Vézina avec moi. Elle avait un grand don de compassion. Elle était infirmière. Et elle, quand elle rencontrait quelqu'un dans un état de faiblesse, elle avait de l'énergie, mon gars, qui sortait de là. Là, elle partait, puis elle voulait, puis elle lui prenait les mains, puis elle les flattait, puis elle parlait. Puis elle avait une forme naturellement de compassion pour les gens qui étaient dans des états de faiblesse. Et je trouvais ça beau de sa part de faire ça. Mais quand elle avait fini de les flatter, là, elle se cassait, puis c'est moi qui arrivais, puis je prenais ma vie, puis on disait un passage. On priait. On avait une espèce de complicité qui se faisait. Je crois que ça fait partie du travail de l'Église. Donc, c'est dans ce sens-là qu'ils disent, allez avoir des gens qui vont souffrir parmi nous. Des gens qui vont avoir des difficultés dans leur vie spirituelle. Pour le mot désordre, pour moi, c'est pas du désordre matériel dans la maison. Ils ne sont pas dans le sens ordonné. C'est un désordre spirituel. Puis on va en parler un peu plus dans la deuxième épître qui va dire, même ceux que vous allez voir qui sont dans le désordre, s'ils ne veulent pas se redresser, mais éloignez-les de vous. Éloignez-les ces gens-là. Donc, hein, ils ne veulent pas écouter la direction, ils ne veulent pas écouter... Toi, tu vas les voir avec de la compassion, avec de la miséricorde, tu vas essayer de les aider, puis ils ne veulent pas. Vous allez voir, vous les éloignez du groupe, parce qu'ils vont causer le désordre dans l'ensemble du groupe. Donc, il y a des gens qui sont abattus, pour toutes sortes de raisons, il y a des gens qui sont... On pourrait prendre le temps d'exemple de ce qui s'est passé avec notre frère Gaëtan et Céline. Ils ont passé une période plus difficilement, plus physiquement, mais c'est important de voir pour nous autres, en tant qu'Église, premièrement, on n'est pas médecin. On n'est pas médecin, mais on est des frères dans la foi. On peut voir s'ils flottent dans la foi ou s'ils ne flottent pas dans la foi. Sont-ils découragés spirituellement ou si vraiment s'ils fonctionnent spirituellement? Si tu es appelé à vouloir faire ça, Dieu t'a donné la capacité de le faire. C'est bien, tu t'informes. Hey, Gaëtan, comment ça va dans la foi? Ça passe-tu au travers? Est-ce que tu es encouragé? Est-ce que tu es fort? Est-ce que tu gardes la foi? Je t'ai allé voir, puis j'ai dit samedi, vendredi. Je trouve ça beau que vous avez passé à travers avec la foi. Vous sortez de là avec la foi. Ça, c'est important. Mais ça, c'est notre job à nous qui passe à travers avec la foi. C'est pas un autre tout seul. Alors, allez-vous avec votre foi, là, puis si vous ne passez pas, ben, votre job vous emporte. Non, c'est notre job à nous, soit dans la prière, soit dans les visites, soit dans des écrits, soit dans un petit coup de téléphone. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire, pas qu'on est obligé de faire. On devrait le faire, on les aime qu'on dit, donc on devrait. Mais il y en a d'entre nous qui vont être plus équipés pour le faire encore. Donc, ils vont avoir un don, une capacité pour le faire. Donc, il dit, si vous voulez être capable d'attendre le retour du Seigneur en gang, il va falloir que vous fassiez ça entre vous. Vous allez passer par des moments difficiles, des moments de découragement, des moments d'affliction. Vous allez avoir des moments, vous allez être abattu, vous allez vouloir abandonner. Mais si vous voulez persévérer, il va falloir que vous souteniez ensemble, vous encouragiez ensemble, parce que sans ça, ça ne marchera pas, vous n'êtes pas capable. C'est le vieux dicton, une corde à trois brins est plus forte qu'une corde à un brin. C'est le même vieux dicton là, qui est là tout le temps. Puis moi, je le vois, la force du groupe, dans n'importe quel domaine de la vie, c'est pas juste spirituel, c'est un principe de base dans la vie des êtres humains. Quand on est ensemble, on est plus. Hein? Quelqu'un qui a envie de crier, de gueuler après le gouvernement, tout seul, il ne parle pas fort, mais quand ils sont 1000 dans la rue, là, ça gueule. C'est-à-dire, ils ont une espèce de force de groupe. Ça peut être positif ou négatif, ça, là, mais c'est là. Le groupe donne de la force. Donc, il dit, si vous voulez être capable, parce que faut bien comprendre qu'on est en... Moi, je dirais ça. On est interrelié. On forme un corps. On est interrelié. Je ne peux pas donner un coup de pied à l'autre pied parce qu'il fonctionne mal. J'en ai besoin pour fonctionner. Je ne peux pas dire à la main, « OK, fait, je te coupe là, puis regarde. » Non, il va falloir que j'en prenne soin, puis j'en ai besoin aussi pour moi, pour persévérer. Moi, j'ai besoin pour pouvoir aller jusqu'à la fin du groupe dans lequel je travaille. Donc, c'est la même chose pour tout le monde. On a besoin dans ce sens-là. Et là, il y a un autre petit groupe, versets 16 et 17. Vous avez peut-être dit, mais François, ça ne va pas ensemble. Mais je pense que oui. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Comment est-ce qu'on rassemble ça? Joyeux, priez, rendez grâce, c'est la volonté de Dieu à votre égard. Soyez joyeux ici, là, vous avez déjà vu ça, il faut être joyeux. Il faut être joyeux. Un chrétien, c'est joyeux, il faut être joyeux. Là, on essaie d'être joyeux. Ça ne marche pas tout le temps. Qu'est-ce qu'il veut dire par rappelons-nous à qui il dit ça, là? Tu sais, quand j'avais rentré dans la prison où ce que Paul et Barnabas étaient attachés après le mur, puis je les avais dit, soyez toujours joyeux, les deux, hein? Soyez toujours joyeux. Ils avaient dit, yeah! Ils avaient commencé à danser. Non, c'est pas ça. Hein? Qu'est-ce que je voulais dire à ces deux gars-là, là? Soyez toujours joyeux. Qu'est-ce qui pourrait m'enlever la joie? Si tu me demandes d'être joyeux, y a-tu quelque chose qui peut me l'enlever, ma joie? Sans ça, ça ne ferait pas de... Si naturellement je suis toujours joyeux, ben pourquoi je te dirais d'être joyeux? Soyez toujours, puis là, il y a un mot toujours qui vient nous montrer qu'il y a un état d'esprit qui devrait être constant. Donc ça veut dire que c'est en dehors des circonstances. Notre état de joie en général, peut-être c'est pas comme ça, ça dépend des circonstances. Hein? Alors, souvent, ça dépend des circonstances. On vient de gagner, on est joyeux, on vient de perdre, on est moins joyeux, on fait un projet, puis ça tente de se réaliser et ça marche plus, on est devenu moins joyeux. Donc, c'est comme ça qu'on est. Mais ici, il dit, vu qu'il dit toujours, c'est obligé d'être en dehors des circonstances. C'est obligé d'être en dehors des circonstances. Sans ça, ça ne marche plus, là. C'est, soyez toujours joyeux quand ça va bien, les gars. Hein? Ben, tu n'as pas besoin de me le dire, ça. Je suis capable de le faire. Soyez toujours joyeux juste quand ça va mal. Mais ça ne marche pas non plus. Mais si je relis, soyez toujours joyeux à prier, sans cesse, c'est-à-dire prier toujours aussi, là. Et rendre grâce en toutes choses, ça veut dire toujours aussi. Donc, il y a une espèce de continuité dans les trois commandements. Sois toujours joyeux, prie sans cesse, rends grâce en tout le temps, toutes choses. Donc, il y a une espèce de... Ça devrait être un état d'âme constant que tu as. Mais il dit ça à des gens qui sont dans la souffrance. Il dit ça à des gens qui ont de la persécution autour d'eux autres. Il dit ça à des gens qui ont de la difficulté. Donc, pour moi, il complète en disant « car ». Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Moi, je vais vous dire, bien franchement, quand tu n'es pas joyeux dans la vie chrétienne, tu ne pries pas sans cesse, ça ne peut pas fonctionner. Et comment tu vas rendre grâce si tu n'es pas joyeux non plus? Tu sais, rendre grâce pour quelque chose qui ne te rend pas joyeux, quelque part, il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, ici, le joyeux, ce n'est pas circonstanciel, c'est tu as de la joie. Souvenez-vous, vous avez vu dans le premier chapitre, on avait vu ça ensemble. Vous avez accepté l'Évangile au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. C'est cette joie-là qui parle ici. D'être heureux dans les circonstances que Dieu nous a données. D'accepter. Si j'accepte, c'est ce que je crois que Paul et Barnabas, attacher le dos, peut-être enceint, attaché après un mur, dans un cajot, dans une fond de prison, il se met à chanter. C'est l'état d'âme de celui qui est content là où il est, dans ce que le Seigneur envoie, les circonstances que Dieu a voulu pour moi, cela. Dieu a voulu que je sois sauvé au Québec en 1976. Moi, Dieu a voulu que je sois sauvé en Russie ou en Corée du Nord, parce que les gens sont chrétiens, se font mettre en prison. Dieu a choisi où, quand, comment les choses vont se passer pour moi. Est-ce que je suis joyeux spirituellement ou une joie qui vient de Dieu parce que j'accepte les circonstances dans lesquelles Dieu me met? Et une des grandes difficultés que l'Église a traversées à travers les années, à travers les siècles, qu'on est là en tant qu'Église, c'est d'accepter que l'Église va se développer au milieu de la souffrance. L'Église se développe tout le temps, elle avance tout le temps au milieu de la souffrance. Parce qu'elle est dans un monde de ténèbres, puis elle est la lumière. Elle est comme maître Dieu, puis le monde est comme pour maître Satan. Donc on est dans un conflit continuel, un combat continuel dans la vie de tous les jours. On a un combat à l'intérieur de nous-mêmes, premièrement, hein, entre la chair et l'esprit. Puis on est un combat dans la société, parce qu'on a le côté... aussi dans ce sens-là. Donc, je crois que c'est un... Il faut accepter, c'est comme ça va être demain. Et des fois, on n'accepte pas. C'est pour ça qu'on a... Nous, on a pris souvent au début de notre vie chrétienne la prière comme un moyen, un outil de rendre la vie agréable, de rendre la vie supportable. Sauve Messie, sauve mon garçon là, puis fais ceci, puis donne-moi ceci, puis envoie donc moi là, puis garde-nous là, on part en auto là, protège-nous des accidents, si on aimerait pas avoir... On a voulu prendre la prière comme un moyen de rendre le monde dans lequel on vit de façon un peu agréable. Mais ce n'est pas tout à fait de même que Dieu l'a eu comme intention. Donc il dit, si je ne suis pas joyeux des circonstances dans lesquelles Dieu m'a mis pour son œuvre à lui, pour sa gloire à lui, il va nous en parler un peu plus bas, là, que Dieu travaille aussi pour nous sanctifier entièrement afin qu'on soit trouvé irréprochable. Donc, Dieu, ce qu'il veut qu'il t'arrive ou qu'il m'arrive, ce n'est pas juste parce qu'il prend plaisir à toutes ces petites affaires-là. Non, c'est qu'il fait tout en son possible à lui pour que je sois fidèle jusqu'à la mort. Donc, tout ce qui t'arrive, c'est leur but, c'est de te rendre fidèle jusqu'à la mort. Il ne veut pas t'améliorer, c'est lui qui fait les miracles, c'est pas toi. C'est ce que Jacques va dire, regardez les différentes épreuves à laquelle vous êtes exposés comme un sujet de joie complet. Parce que ces épreuves-là vont travailler sur votre foi et votre patience. Donc, c'est, il crée un monde autour de nous, nous fait arriver dans la vie des choses pour se dire, moi, mon but avec toi, François, ou je suis n'importe qui, j'ai concocté quelque chose pour toi spécial pour t'aider à persévérer jusqu'à la fin. C'est ça son but. Si je ne le vois pas de même, je vais toujours être en but avec le Seigneur. Toujours en train de dire, ah, ce qui m'arrive, c'est pas ça que je veux, c'est pas ça que j'aime, c'est pas ça que j'aimerais, puis je voudrais changer les circonstances, ah, ça m'arrive à moi, qu'est-ce que j'ai fait. Et, mais le Dieu dit, non, je t'ai préparé une vie, moi, je suis un Dieu souverain, je t'ai préparé une vie, puis toi, c'est là. Tu te souviens quand il a dit, quand Pierre, puis Jean, à la fin de son évangile, il dit, Pierre, m'aimes-tu, vous vous souvenez? Il dit, qu'est-ce qui va arriver à Jean? Occupe-toi pas de Jean. Moi, je t'ai concocté quelque chose, mon Pierre, pour que toi, tu arrives jusqu'à la fin. Jean, j'ai concocté aussi quelque chose à Jean, pour que Jean. Mais le but, c'est pas de vous écraser, c'est pas de nous écraser, c'est pas de nous purifier, c'est pas de nous rendre acceptables aux yeux des gens, ou qu'on gagne des couronnes ou des récompenses. Il dit, je veux que tu persévères jusqu'à la fin. C'est ça que je veux. Je vais faire tout en mon pouvoir. On va le dire un peu plus bas, là. Je prie que Dieu vous sanctifie entièrement pour que vous soyez irréprochables quand je vais venir vous chercher. Donc, c'est ça son but. C'est le but d'Épître. Je veux aider l'Église de Thessalonique à être irréprochable quand vous allez entendre la trompette. Là, c'est pas son bon entendre, mais quand vous allez entendre la trompette, puis je descends, là. Je veux vous trouver irréprochable. C'est ça mon but. Donc, il ne faut pas le voir comme des impératifs. Oh, faut que je fasse ça. Ah, faut que je fasse ça. C'est que c'est des choses qui font qu'on va pouvoir ensemble travailler jusqu'à temps qu'ils viennent nous chercher individuellement. Je descendais de l'Oriville le vendredi. J'étais dans mon auto, puis j'avais parlé de ça avec Richard. C'était Richard, mon genre. Je lui disais, François, tu parles de retour du Seigneur, mais dans 15 ans, la majorité d'entre nous ne sont même plus. Il va être venu nous chercher individuellement ou toute la guise. C'est pas loin. Tu sais, dans 20 ans, là, les chutes, là, va être une gang qui va être, ils vont manger du sang par la racine, là. Donc, ça veut dire que le Seigneur va venir me rechercher en dedans 20 ans. Là, c'est là, ça paraît plus proche des couchettes, là. Mais quand je parle du retour du Seigneur, oh, ça fait 2000 ans. Ça peut prendre un autre 1000 ans, tu sais, là. Ça peut prendre un autre 2000 ans, là. Là, on le voit comme ça n'a pas vraiment d'impact sur mon quotidien. Mais si plus je rapetisse le temps, plus je suis porté à vouloir faire de quoi de suite, parce que j'ai pas grand temps. Donc, il faut. C'est là que j'ai dit, je vais venir vous chercher, là. Venez vous chercher, vous ne savez pas quand, mais soit individuellement ou soit en gang, venez vous chercher. Et ce que j'aimerais, c'est que tu sois irréprochable quand je vais venir te chercher. C'est mon désir. Et je te fais arriver toutes sortes de circonstances, je te mets en lien avec toutes sortes de personnes qui vont t'aider là-dedans. Et toi, tu vas en aider d'autres, les autres vont t'aider. Plus je vieillis dans ma foi, plus je m'aperçois que je suis dépendant de l'Église, hein, comme je ne l'ai jamais été avant. Je vois le besoin des frères et sœurs plus que j'ai jamais pensé. Je ne peux pas persévérer tout seul. Je ne peux pas. Ça me prend un corps, ça me prend un assemblée, ça me prend un monde autour de moi qui vont me diriger, si c'est un ancien qui enseigne ou quelqu'un qui enseigne, qui va m'avertir, François, tu vas dans une direction pas correcte, qui va me dire, venez m'encourager quand je t'ai battu, quand je t'ai battu, parce qu'on est tous des fois un peu abattus. Et puis des fois, on a besoin d'être consolés. Et de prier. Donc, prier tout le temps. Moi, je vous encourage à voir que j'ai-tu une vie de prière? Est-ce que je prie? Là, je ne parle pas si vous êtes à genoux une demi-heure le matin. Mais une vie de prière, ça veut dire ça, une vie où ce que vous êtes souvent en train de vous arrêter et parler à Dieu. Peu importe comment vous faites. À genoux, vous vous couchez dans votre char, pendant votre douche, je m'en fous de ma grand. Mais est-ce que c'est ça? Est-ce que tu vois ça dans ta vie? Je suis souvent en train de m'arrêter et parler avec Dieu. Pour toutes sortes de sujets, pour toutes sortes d'affaires. Toutes sortes de choses, ça peut être économique, ça peut être relationnel, ça peut être émotionnel, psychologique, peu importe. Je m'adresse à Dieu. Mais ici, je vais l'amener au niveau de l'Église. Je m'adresse à Dieu pour l'Église. Est-ce que c'est ça que tu vois dans ta vie? Souvent, je m'arrête et je prie pour l'Église. Un individu, ou l'Église ensemble. Ou je pense à quelqu'un, je vais m'arrêter, je vais prier pour lui. Je pense à un autre, je vais m'arrêter, je vais prendre 30 secondes pour prier pour lui. C'est, encore une fois, c'est pas que j'espère qu'il va devenir la meilleure personne du monde. C'est que je sais que j'en ai besoin de lui, comme cette personne-là a besoin de moi, j'espère qu'elle prie pour moi aussi. Donc, c'est que ce lien invisible qu'est la prière, il y a quelque chose là, puis Gaétan disait, juste le fait de savoir qu'il y a des gens qui prient avec moi et pour moi, ça nous donne quelque chose. Une énergie. Ça vient de Dieu, ça vient de Dieu, personnellement. C'est que tu. Puis, vous savez, comme quand tu te sens seul dans quelque chose, vous savez, ça fait. Tu as tendance à te décourager. Donc, si tu pries, puis si tu dis, je vais mettre des pattes à mes prières, je vais écrire un petit mot, une petite carte, je vais faire un petit coup de téléphone, je vais aller prendre un café. C'est quelque chose qui fait qu'on sent que les gens ne vont pas juste dire qu'on aime tous les frères, mais il y a quelque chose de plus qui se passe. C'est pas juste des mots, des airs, il y a quelque chose qui se passe. Non? Parce qu'il dit, c'est la volonté du Seigneur. Ce qui vous arrive, c'est la volonté du Seigneur. Donc, on prie. On remercie Dieu, on rend grâce à Dieu. Comment je peux te servir là-dedans? Comment je peux te servir à l'hôpital? Comment je peux te servir sur la job? Comment je peux te servir à la retraite? Comment je peux te servir à la maison en faisant mes affaires dans la maison? Comment je peux te servir, Seigneur, à travers toutes ces choses-là que je fais pour toi? Parce que je suis en train de t'attendre. Je suis en train de t'attendre que tu vas venir me chercher. Donc, en attendant, je voudrais faire des choses pour toi. Qu'est-ce que je vais faire et comment je vais prier là-dessus? Donc ça fait partie de ça. Si vous avez, dans la Bible, il y a des gens qui ont le don de la foi, le don de prier, qui ont une capacité de prier plus que d'autres, qui vont avoir une approche plus fervente dans la prière que d'autres. Je me souviens toujours d'une chrétienne qui, quand elle a été trouvée morte dans sa chaise berceuse, elle avait sur ses genoux son livre de prière. Puis elle avait les noms d'église dedans, puis les gens. On va trouver ça beau. Elle avait un. Elle dit, je ne peux pas sortir, je suis malade, je suis vieille, mais je peux prier. Elle avait un fardeau dans la prière pour l'église. C'est des choses qui sont là dans l'église, c'est bien. C'est l'intercession qu'on appelle pour les frères et sœurs. Là, au verset 19, c'est lui le plus contesté, le plus. Les gens se disent, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais au contraire, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Donc, n'éteignez pas l'esprit, ça veut dire quoi? Ne méprisez pas les prophéties, là on parle du retour du Seigneur dans notre contexte. Donc il dit, pourquoi Paul il dit, hey, vous avez peut-être est-ce que vous êtes en train de mépriser les prophéties? Vous êtes en train de regarder les prophéties d'une façon pas comme vous devriez le faire. L'affliction qu'il y avait au chapitre 4, ça peut amener à ça. Dieu a dit qu'il viendra nous chercher, puis là, il ne vient pas nous chercher, puis on a commencé à mourir. Ça peut amener une forme de mépris, une forme de distance, on peut mettre. Ou, moi, ce que je pense le plus, c'est qu'il y a des arguments dans l'Église à propos du retour du Seigneur, puis maintenant, on n'en parle plus. J'ai vécu ça au Québec, vous avez vécu ça, peut-être que ça va m'en rendre compte. Moi, j'ai été venu au Seigneur des années 76, 85, là, ces 10 ans-là. On parlait du retour du Seigneur quasiment constamment. Mais c'est de l'ostinage, c'est de l'engueulade. Ça finit par faire des séparations, ça finit par faire des difficultés, ça finit par faire des divisions. Mais qu'est-ce qu'on a fait au Québec? On n'en parle plus. Il y a très rare les églises qui vont prêcher l'Apocalypse, qui vont enseigner l'Apocalypse. Pourquoi ça fait des divisions? Oh, on chicane, on ne s'entend pas là-dessus. Oui, donc, c'est, ça peut être, moi je crois que c'est une forme de mépris pour le retour du Seigneur. On ne s'intéresse plus aux prophéties de retour du Seigneur. On est plus préoccupé par les choses ici-bas, ou des fois ça peut être matériel, mais ça pourrait être aussi des choses aussi bas, dans le sens qu'on essaie de devenir des bonnes personnes pour avoir une belle vie tranquille, spirituelle et religieuse. On n'est plus préoccupé quand on s'en, le Seigneur s'en vient, on fonctionne. Donc, quand il dit « n'éteignez pas l'esprit », avez-vous déjà essayé d'éteindre l'esprit, et comment ça se fait? S'il nous dit de ne pas l'éteindre, ça veut-tu dire qu'on a la capacité de l'éteindre? Ça veut dire quoi? L'esprit, c'est qui, là? Hmm? C'est qui l'esprit, ici, là? C'est Dieu! Bon, OK! Donc, éteindre Dieu! Hmm. Éteindre Dieu, ça prend pas mal de pouvoir, ça! Prends un gros souffle, là, pour éteindre la chandelle! Mais ça veut-tu dire ne pas l'écouter, d'en faire abstraction, de se dire de mettre nos œillères, okay, parce que ça nous dérange? Donc, parce que ça pourrait être ça? Oui, oui, ça ressemble à ça un peu. Éteindre, là, ça a un prérequis, éteindre. Ça veut dire, ça fait quoi? C'était allumé avant. Lumière, hein? Lumière. Si j'éteins une chandelle, ben elle faisait de la lumière. Si j'éteins quelque chose, c'est parce qu'elle a produit de la lumière. L'Esprit de Dieu veut vous donner de la lumière, vous diriger, vous conduire. Donc, comment je peux faire pour l'éteindre? Parce que là, si je l'éteins, ça veut dire qu'il ne peut plus me conduire. Il ne peut plus m'éclairer. Mais comment je vais faire pour l'éteindre? C'est de mépriser les prophéties. Je ne laisse plus me parler. Je ne laisse plus me diriger. Je ne laisse plus m'encourager. Donc, éteindre, aujourd'hui, je dirais, ferme ma Bible, puis je ne veux plus rien savoir. C'est ce que moi, j'appellerais éteindre l'Esprit de Dieu. C'est rejeté, François. Oui, mais on ne dirait pas je rejette Dieu, là. Okay. Mais je ne m'expose plus à la lumière que les Écritures peuvent m'emmener. Et le Saint-Esprit peut vous diriger, vous fortifier, vous consoler seulement par une chose. Les Écritures. Il n'y a pas d'autre instrument. Tu veux vous dire. Le Saint-Esprit peut vous sauver, vous régénérer seulement par les Écritures. C'est les Écritures. C'est ce que Paul va dire dans Éphésiens. L'épée du Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. C'est avec ça qu'il va travailler en vous autres. Donc, si je ne m'expose pas aux Écritures, j'éteins l'Esprit. Nous autres, on avait entendu quand on était jeunes, c'était si tu fais des péchés, tu éteins l'Esprit. Mais ce n'est pas ça que ça veut dire. L'Église de Thessaloniciens, qu'on a vu jusqu'à date, n'avait pas de problème majeur comme l'Épître aux Corinthiens, mettons le péché. C'est une Église qui semble fonctionner, qui s'aime les uns les autres, qui marche dans la sainteté. Donc, il semblait être plus une Église modèle que d'autres choses. Mais il dit, si vous ne voulez plus entendre parler du retour du Seigneur à cause que ça fait des conflits, comment vous allez pouvoir l'attendre? Comment vous allez pouvoir l'attendre si vous n'en parlez plus? Ça, je vous ai dit la semaine passée, dans ma colonne, comment je vais développer mon espérance, j'ai dit, je vais lire l'Apocalypse une fois par mois. Ça, c'est juste pour me garder conscient qu'il y a un retour du Seigneur. Parce que le monde dans lequel nous vivons nous en met plein la tête que ça n'arrivera pas. Qu'on est éternel sur la planète 7. Puis qu'on doit prévoir, puis l'année 3000, puis l'année 2050, puis l'année... La planète Mars, c'est le fou. Si ça explose ici, là, on va avoir déjà une place de préparer sur la Lune, mais non, c'est la planète Mars. Ils sont toujours en train de nous dire ça n'arrivera pas, ça n'arrivera pas. Puis la Bible, elle nous dit ça sent bien, c'est proche, ça sent bien, c'est proche. Donc, la Bible, elle nous rappelle qu'on a un temps limite en tant que planète, en tant que peuple. Et le monde nous dit non. Ma petite fille, papy, nous autres, on pense qu'on n'aura pas d'enfant, parce que la planète, en 2050. Tu as 16 ans, tu penses à ça. Tu dis, elle dans sa tête, là, il n'y a pas de retour du Seigneur. Elle pense que je n'aurai pas d'enfant parce que je pense que la planète elle va être sera plus vivable dans les années 50. Tu devrais vous parler du retour du Seigneur, cette petite madame-là. Pour qu'elle comprenne, on attend quelqu'un, nous, qui va venir amener un monde nouveau. Donc, tu ne vas pas te fier sur les prévisions du monde, mais sur ce que le Seigneur Jésus a dit. Je ne te dis pas de ne pas écouter ce que le monde dit, mais tu dois te balancer avec ce que Dieu a dit. C'est ça qui va te garder irréprochable jusqu'au retour du Seigneur. Donc, les prophéties ici, il dit, au lieu de faire ça, au lieu de, d'éteindre l'esprit, au lieu de mépriser les prophéties, mais, au contraire, examinez toutes choses, puis retenez ce qui est bon, puis rejetez ce qui est mauvais. Avez-vous déjà fait ça avec une boîte de patates ou une boîte de pommes? Je l'ai fait, c'est une passée, j'ai ouvert mon frigidaire, puis j'ai mis une pomme, d'écoute, j'ai mis la main sur la pomme, mais c'est le dessous de la pomme, qui était mou. Fait qu'en mettant, tac, je savais là, que j'avais quelque chose. Fait que ce que j'ai fait, j'ai ouvert la poubelle, j'ai mis dedans. Enlever ce qui n'est pas bon, j'ai pas tout acheté le tiroir. J'ai gardé ce qui était bon, j'en ai mangé une. Donc, c'est ça que ça veut dire, l'exemple ici. Écoutez-les, les prophéties. Donc, quand quelqu'un vous parle des prophéties du Seigneur, écoutez-les. Puis mesurez-les avec ce que nous, on vous a donné en tant qu'apôtre. Ce que moi, Paul, je vous ai donné, ce que le Seigneur Jésus nous a dit, ce que les apôtres vous ont dit, bien, examinez ça, là, avec ça, parce que moi, pour l'examiner, ça me prend un repère à quelque part. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais? Comment je vais faire? Je vais faire pour savoir qu'est-ce qui est bon. Ça me prend une règle de mesure à quelque part. La pomme, c'était pas tellement difficile. Hein? Depuis que je suis jeune, je sais pas mal c'est quoi. Là. J'ai pas juste dit, elle va être sucrée, elle va être bonne. T'sais, non, non, mes parents m'ont montré que ça, c'était plus bon, là, c'était à ce stade-là. Mais quand vous allez entendre quelqu'un parler du retour du Seigneur, rappelez-vous ce que je vous ai dit. Rappelez-vous, puis examinez. Non, Paul ne nous a pas dit ça. Non, les apôtres n'enseignent pas ça. Le Seigneur Jésus ne nous a pas dit ça. Donc, et là, ce qui n'est pas bon, rejetez-le. Puis gardez ce qui est bon. Comme ça, vous allez pouvoir vous encourager mutuellement avec le retour du Seigneur. Mais si vous n'en parlez pas, si vous n'encouragez pas, si ça ne fait pas partie de vos équations quand vous prenez vos décisions, bien, vous allez perdre de vue le retour du Seigneur et vous allez vivre pour ce monde ici le plus possible. Vivons et mangeons, car mais nous mourrons. Il n'y a pas de retour. Donc, ça nous enlève. Mais ça, c'est mutuel. Il faut s'encourager dans ce sens-là, de dire, hey, pourquoi qu'on n'en parle pas du retour du Seigneur entre nous quand on se voit? Pourquoi qu'on ne s'encourage pas avec ça? Je pense que je vous l'ai dit, excusez-moi si je radote. J'ai dit à Gaétan à l'hôpital, Gaétan, c'est toi qui es le meilleur si tu pars. C'est toi qui es le meilleur. J'ai rappelé la fin, c'est pas le pire qui s'en vient, c'est le meilleur qui s'en vient pour toi. Donc, s'encourager au fait que le Seigneur va peut-être venir te chercher, ou il va venir chercher l'Église avant même que tu sois mort, il va tout venir nous chercher en même temps. Mais il va peut-être venir te chercher toi tout seul, et tu t'en vas être avec le Seigneur Jésus, celui que tu veux voir, celui que tu espères rencontrer. Donc, il faut s'encourager avec ces vérités-là. Sans ça, on est juste en train de se regarder ici-bas. Là, oh, je vais perdre des capacités, oh, je vais peut-être être infirme, oh, peut-être je vais être boité, peut-être je vais faire ci, peut-être je ne suis plus capable de faire ci, peut-être je ne suis plus capable. Là, on est juste arrêté ici. On n'avance plus. Hein? On n'avance plus. Hein? Plutôt, on descend comme ça. Il faut juste dire, ben, il y a une lumière au-dessus du ciel. Et là, après nous avoir dit les 12 impératifs, là, il embarque parce que l'autre côté de la médaille. Que le Dieu, verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Pas à peu près, là. Tout entier. Ça veut dire quoi, ça? Perfection. C'est perfection, ça. Hein? C'est perfection. Moi, si Dieu me sanctifie tout entier, c'est perfection. Là, je pourrais même dire, je suis un saint. Dieu me sanctifie. Donc, ça veut dire quoi, ça? Il y a peut-être ça. Et que tout votre être, âme, esprit, corps, soit conservé, soit gardé, irréprochable. Donc, irréprochable, entier, ça va ensemble. S'il m'a sanctifié tout entier, je suis irréprochable. Si je ne suis pas sanctifié tout entier, je ne peux pas être irréprochable. Ça ne marche pas ensemble. Donc, lui, Dieu dit, je ne veux pas avoir un gars qui arrive, croche, qui dit qu'il rentre juste sur un bord, puis du reculon, puis... Non, il se traîne à quatre pattes à terre. Non. Dis-moi, quand je vais venir te chercher, il faut que tu sois debout, là. Il faut que tu sois irréprochable, là. Moi, dans mon monde, à moi, en haut, là, c'est la perfection. C'est la perfection, là. Tu peux pas rentrer ici, tu n'es pas irréprochable. Puis c'est quand ça va arriver, ça? Tu peux-tu te lire ma version avant que tu arrives au dernier verset? Oui! Que le Dieu de la paix lui-même vous fasse vivre totalement pour lui. Qu'il garde toute votre personne, votre esprit et votre corps, votre âme et votre corps. Alors, on ne pourra rien vous reprocher. Qui revient. Mais c'est quand notre Seigneur Jésus-Christ viendra. Mais c'est vraiment que, au lieu de vous sanctifier, mais c'est vraiment vous fasse vivre totalement pour lui. De toute façon, c'est synonyme. Oui. Si on dit bien que. Si on comprend bien le mot sainteté, le mot c'est sanctifié. C'est ça. Oui. C'est vraiment. De, okay. Il y a des Bibles qui ont le mot le Dieu de paix, vous garde saint. Il y en a qui ont le mot saint au lieu de sanctifier ou saint. C'est le terme. Là, c'est le même terme qu'on avait vu au début. Dieu vous a appelé à la sanctification, que chacun cherche à posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. C'est la même. Vous n'avez pas été appelé à l'impureté, mais à la sanctification. C'est toujours les mêmes mots, là, ici. Là. Okay? C'est toujours la même idée. Comme on dit la semaine passée, c'est vraiment vivre pour lui, puis de. Mais tout service de. Tout service de. Donc, la question, c'est que ce qui nous énerve, c'est l'entier. C'est l'irréprochable. C'est ça qui nous énerve, parce qu'on on sait qu'on est dans l'imperfection, on sait qu'on est reprochable. Hein? Si j'avais le pouvoir d'aller voir dans ta vie, juste 24 heures, je pourrais trouver des reproches à te faire. Donc, si ça veut dire absence de péché, je suis fait à l'os. Ça n'existe pas chez personne. Même pas chez Paul lui-même qui le dit. Lui-même sait qu'il est un pécheur. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire? Si c'est pas l'absence, j'écoutais John Piper cette semaine qui disait si vous améliorez pas jour après jour, si vous n'avez pas une sanctification progressive, ça manifeste que vous n'êtes pas des croyants. Mm-hmm. Donc c'est ça qui lui a dit clairement comme ça. J'ai dit, oh, ça a gréché un peu quand ça a passé, dans ma tête à moi, en tout cas. Parce que dans le fond, si je dis ça, ça n'en prend comment de sanctification que je sois accepté. Ça prend-tu 1%? Bon, j'étais sauvé, j'étais là, zéro, hein, zéro pour une barre. Et je vais aller à la sanctification. Es-tu 1% sanctifié, 2%? En bas de 25%, je suis rejeté. Qu'est-ce que moi, ça n'en prend pour être accepté si je le prends de même. C'était quoi sa phrase? Lui, il disait que sans la sanctification progressive, si elle n'est pas là dans ta vie, le progrès de sainteté, là, de s'éloigner du péché, tu manifestes que tu n'es pas sauvé. Est-ce que c'est vraiment ajouter de s'éloigner du péché? Parce que c'est un peu quand même ce qu'on parlait la semaine passée, ce que tu disais la semaine passée, qu'il faut aller de progrès en progrès toujours. C'est ça Le progrès, c'est-tu le progrès dans le sens que je fais de moins en moins de péché? C'est non. OK. Mais lui, il expliquait clairement péché. C'est pas surprenant. C'est la question que le gars de mon chum m'a posée par rapport à MacArthur. MacArthur disait la même chose. Donc, fait que MacArthur puis on n'est pas beaucoup dans l'autre camp. On n'est pas beaucoup dans l'autre camp. Mais qu'est-ce qu'il veut dire quand Dieu de paix? Puis comment est-ce qu'il va faire ça? Comment est-ce que Dieu. Parce que je vais vous donner un petit quelque chose. Là, dans le verset 23, le verbe qu'il y a là dans l'original, c'est un verbe au temps subjonctif. Donc, le subjonctif, je pourrais vous donner les mots, les vrais mots grammaticaux grecs, là, mais ça ne change rien pour nous. C'est que Paul ici fait un souhait, que le Dieu le fasse. C'est pas Dieu va le faire. C'est je souhaite que Dieu vous garde. Ça donne une autre idée. Hein? C'est pas juste que Dieu va le faire. Je souhaite ça, mais au verset 24, il va dire celui qui vous a appelé infidèle, il le fera. Mais Paul, lui, ce qu'il voit, c'est qu'il dit je souhaite que Dieu le fasse avec vous. Parce que Paul est assez vieux dans la vie chrétienne, qui a bien vu que, même s'il souhaitait que tout le monde soit là, il y a une gang qui avait abandonné, puis une gang qui va abandonner encore. Il y a des gens qui lâchaient tout le monde. Donc, il ne pouvait pas dire, je suis sûr que Dieu va le faire pour vous autres. Mais je souhaite que Dieu le fasse. Mais celui qui va le faire, c'est celui qui vous a appelé. Si vous réussissez à passer au travers, puis que vous arrivez irréprochable quand il va venir vous chercher, c'est parce que Dieu va l'avoir fait en vous aussi. Mais, on a vu les premiers versets avant, qui nous appelait à faire de quoi? Donc, il dit, vous autres allez faire ça, puis Dieu va faire ça. Donc, pour moi, si Dieu, si je veux qu'il me sanctifie lui-même tout entier, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il veut faire? Comment ça va se manifester, ça, que je suis sanctifié entièrement? Là, si vous parlez de péché, on est fait à l'os. On n'est pas à l'os. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce que je n'ai pas le choix. Si je ne suis pas là, je ne suis pas irréprochable et je ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. Oui, donc, de garder l'Évangile tel qu'il nous a été donné, tel qu'il nous a été présenté par Paul, et on attend son retour tel qu'il l'a annoncé. On est là, dans la foi, pas dans la perfection morale absolue, qu'on ne fait jamais de péché. Mais quand Jésus va revenir, j'en vois les yeux vers le ciel et dire, je t'attendais. Je suis pas surpris. Ah, t'es un irréprochable. T'es sans reproche. Tu es vraiment dans l'Évangile de Dieu et tu gardes l'Évangile de Dieu. Tu vas rester attaché à ce que je t'avais donné. C'est ce que Paul dit tout au long. C'est ce qu'il dit dans l'Épître aux Galates. Si vous êtes, là, vous êtes en train d'abandonner l'Évangile que je vous ai donné pour vous joindre à un autre Évangile. Et si vous faites ça, vous êtes anathème. Voyez-vous donc? Paul, son but, ce n'est pas de produire une église sainte. Quand Dieu va venir la chercher, l'église va être parfaite. Elle ne va plus jamais pécher. C'est ça le but de Paul, c'est de décourager complètement. Mais Paul, son but, c'est que l'Église soit trouvée veillante et sobre, comme on a vu la semaine passée. Qu'elle proclame l'Évangile de Dieu et non pas un autre Évangile. Et qu'elle est encore en train d'attendre le Seigneur Jésus-Christ. Si on a vu ensemble dans l'Apocalypse, les Églises à qui Jésus parle n'ont pas resté irréprochables. Et tu t'es abandonné ton amour, tu as des doctrines de démons, tu ne m'attends plus, tu t'en vas, tu es mort. Et toutes sortes de choses. L'Église n'attendait plus le Seigneur Jésus. L'Église n'avait plus gardé l'Évangile. Et puis ça, je dis souvent que l'Église de l'Évangile, quand on a gardé l'Église à travers l'histoire, est toujours en train de s'éloigner. Dans son ensemble, elle est toujours en train de s'éloigner. C'est pour ça qu'on entend par tous ces médias, parmi les évangéliques, pas parmi les convertis, il faut revenir à l'Évangile, il faut revenir à l'Évangile, il faut revenir à l'Évangile. Ça prend des réveils, l'Église alors. Ils se rendent compte de ce qu'ils disent? S'il faut revenir à l'Évangile, c'est parce qu'on l'a abandonné. C'est ce que moi je conclue dans ma tête. Là. Mais la Bible ne dit pas ça comme ça. La Bible dit repens-toi, reviens à ce que je t'ai donné. Elle ne dit pas réveille-toi, elle dit repens-toi et reviens à ce que je t'ai donné. C'est pas mal différent dans ma tête. OK? Pas mal différent dans ma tête. Donc c'est ici, je veux être irréprochable. Je crois que vous voulez être irréprochable quand le Seigneur Jésus va venir. Parce qu'il parle bien lors de son avènement. C'est pas hier que je veux être irréprochable, c'est quand il va venir me changer que je veux être irréprochable. Hier, ça n'a pas d'importance si je ne suis pas aujourd'hui. Puis là, il ne parle pas de quelque chose qui a déjà été fait, puis on ne peut rien faire. Parce qu'il ne dira pas de le faire. Il dira, ben, écoute, tu ne vous en pas, vous êtes tous corrects. Là. Vous êtes irréprochable depuis tout le temps. Non, c'est pas ça qu'il dit. Je souhaite que Dieu, vous, fasse de quoi avec vous autres. Pour que vous soyez irréprochable. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui est continu, c'est un processus. Je dois me garder irréprochable. Ça veut dire que je dois me garder dans la foi, je dois me garder dans la vérité. Et ça, ça se fait en gagne. C'est quand on en voit un qui décide de dire, « Ouais, tu t'en vas croire, mon chum! » Tu t'en vas, tu es tenté de t'éloigner. L'Évangile là, que tu proclames, c'est plus l'Évangile que Jésus-Christ a proclamé. Il y a quelqu'un qui marquait, c'est Paul Washer qui marquait, sur Facebook cette semaine, qui disait j'ai jamais vu dans la Bible de recevoir Jésus dans notre cœur. Dans la Bible, c'est marqué repens-toi et crois. C'est pas reçois Jésus dans ton cœur, tu vas être un chrétien. Dans la Bible, elle dit pas ça. Ça, c'est une formule américaine, une formule humaine de l'Évangile. La Bible, elle dit repens-toi et crois. C'est ça qu'elle dit. Donc, c'est pas accepte Jésus dans ton cœur. Donc, il dit, celui qui vous a appelé est fidèle et il le fera. Qu'est-ce qu'il va faire ici? Il va travailler à me sanctifier lui-même jusqu'à temps qu'il vienne me chercher. Il va le faire. Il y a un verset que je n'avais pas toujours compris comme ça. Dans Philippiens, il dit, celui qui a commencé en vous, il a commencé quelque chose, il va le terminer. Donc, il y a un espace de mouvement ici. C'est pas celui qui a fait en vous quelque chose, ça va s'accomplir. Celui qui a commencé, ça veut dire qu'il n'a pas terminé. S'il a commencé, il n'a pas terminé. Il dit, il va le terminer pour le jour du Seigneur. Donc, vous voyez, le jour du Seigneur, c'est le dernier pas. C'est la... Il y a une progression. Oui, il y a un processus. Il y a un processus. Donc, moi, tu sais, quand Jésus a dit, ça je l'ai partagé l'autre jour, quand il a dit, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, là, c'est parce qu'il savait qu'on avait besoin de lui. Je vais être avec toi, François, tous les jours, parce que sans moi, tu es fait à l'os. Il faut que je sois avec toi tous les jours pour te sanctifier, si je peux dire ça comme ça, si je prends le terme du texte, afin que tu sois irréprochable quand je vais venir te chercher. Il faut que je reste avec toi, il faut que je t'accompagne, il faut que je te parle. Et pour faire ça, je vais t'envoyer mon esprit, et lui, il va venir habiter en toi. Cet esprit-là, ben, c'est un autre consolateur comme moi, donc il va faire la même chose que moi. Quelque chose que j'ai, mais j'ai besoin de Dieu, de Jésus, du Saint-Esprit, tous les jours de ma vie pour pouvoir attendre ce moment que tout le monde veut voir arriver, l'avènement du Seigneur Jésus. Donc, Paul dit, faites tout ce que vous pouvez entre vous, dans les impératifs, faites tout ce que vous pouvez. Mais rappelez-vous aussi qu'il y a quelqu'un qui travaille avec vous. C'est ce que Paul va dire, vous êtes co-ouvrier avec Dieu. Il ne dit pas vous êtes ouvrier tout seul. Vous êtes co-ouvrier, vous faites partie d'une équipe. Dans cette équipe-là, Dieu est là. Vous n'êtes pas tout seul. Mais il n'est pas tout seul non plus. Il n'est pas tout seul. Il est avec vous autres. Vous êtes co-ouvrier. Il n'est pas tout seul à travailler. Vous êtes avec lui en train de travailler à ça. C'est ça qu'il nous a donné un 12 impératif avec. Donc, c'est dans ce sens-là. Donc, le irréprochable ici, ça ne veut pas dire moral, dans le sens que je ne fais plus de péché. Mais est-ce que je vais avoir gardé l'Évangile? Est-ce que je vais avoir gardé l'Évangile comme Jésus l'a enseigné? Et est-ce que je l'attends? Souvenez-vous, dans le premier verset du chapitre, c'est tout dans la même épître, on est dans le contexte. Dans les premiers versets, il a dit, vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre le Jésus qui va nous délivrer de la colère à venir. Donc, il y a tout ça, là. C'est pas juste que vous êtes converti, mais vous êtes aussi dans l'attente de. Parce que si je me convertis, puis je suis pas dans l'attente, je me suis converti pourquoi? S'il n'y a pas de colère à venir, que ça me donne de me convertir? Tout le monde va aller au ciel, ça ne donne rien. Ou il n'y a pas de ciel, c'est encore pire. Mais si je me convertis, c'est parce que je sais qu'il y a une colère à venir et que Dieu est en colère contre le monde, est en colère contre moi en tant qu'être humain pécheur, qu'il l'a abandonné, qu'il l'a rejeté. Mais je me convertis à lui et par la foi en Jésus-Christ, je l'atteins, il s'en vient. Puis il va me délivrer de la colère qui va s'abattre sur le monde entier. Ça, c'est l'Évangile. Mm-hmm. C'est pas juste la moitié. Il faut que tout le verset soit là. Verset 25. Frères, priez pour nous. Saluez tous les frères par un saint baiser. Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères. Que la grâce du Seigneur, Jésus-Christ, soit avec vous. L'apôtre Paul demande qu'on prie pour lui. C'est impressionnant. C'est pas du temps, on veut Paul comme le géant de la foi, celui qui était capable, celui qui était plein d'audace, celui qui était capable de confronter des foules, puis qui annonçait l'Évangile, peu importe si on l'avait battu, si était en prison. On le voit comme une espèce de géant, on va dire de la foi. Mais s'il y en a un qui demande dans le Nouveau Testament qu'on prie pour lui, c'est Paul. Il dit souvent, priez pour moi. Et c'est pas pour rien qu'il était capable de faire ce qu'il faisait. C'est parce qu'il savait qu'il y avait une gang de monde qui priait aussi. Il avait entendu, hein? Spurgeon, quand il priait, on lui avait demandé à quoi il attribuait tant de monde qui venait écouter. Vous vous souvenez que lui, il avait un édifice de 5000 personnes pour venir écouter. Il en remplissait 3-4 fois le dimanche pour prêcher. Les surplus qui ne pouvaient pas rentrer, ça venait dans l'église au alentour qui était là. Il disait, à quoi vous attribuez ce travail-là? Il dit au système de chauffage. Il dit, ouais. Oh, il dit au système de chauffage. Et c'est à ça que j'attribue la puissance de Dieu qui se manifeste. Viens, je vais te montrer mon puissance, ma puissance, mon système de chauffage. Il descend dans le sous-sol, il y avait 700-800 personnes qui priaient pendant qu'il prêchait. Et c'est pour ça, il dit que ça a de la puissance en haut. S'il y en a 600 qui prient pendant que je prêche. Mm. Voyez-vous l'idée qu'il avait, il avait compris que ça ne se fait pas tout seul juste par la puissance humaine. Des fois, on a de la misère à comprendre que nos prières ont une place et ont une force. Mais la Bible, elle nous le dit pourtant. C'est oui. Fait que nous, on prie, puis on va voir des choses, mais on ne va pas toujours voir des choses. Mais on sait que la prière fait partie de l'arsenal pour pouvoir attendre le Seigneur Jésus-Christ jusqu'à son retour. Parce que Paul était comme tous les autres. Il avait besoin qu'on prie pour lui, qu'on l'encourage. Lui tout, il avait été abattu, lui tout était droit, était découragé, lui tout, il a vécu, c'est un être humain comme vous et moi. Donc, le Seigneur peut dire, mais priez pour nous, saluez les frères par un saint baiser. Et là, il dit, je vous encourage que cette lettre soit lue à tous les frères. C'est-tu tous les frères de Thessalonique ou c'est tous les frères de la Macédoine? Je crois que ça va en dehors de l'Église, c'est plus large que ça. Donc, il dit, c'est ce qu'il faisait la plupart du temps, il faisait une copie de la lettre et envoyait l'original à l'autre église, c'est un peu plus loin. J'aimerais que vous donniez cette lettre-là à d'autres églises alentour de vous. Donc, fait que l'église, c'est pas seulement nous, l'église, c'est plus grand que nous. C'est ce qu'on appelle en théologie l'église universelle, qu'on appelle l'église qui est partout dans le monde. Et sans s'en rendre compte, toutes ces églises-là ont une interrelation les unes avec les autres. Et on ne s'en rend pas compte. Des fois, on vit juste notre petit monde à nous autres, notre petite affaire. Mais sans vous en rendre compte, là, vous êtes dépendant de l'église globale. Et l'église globale dépend aussi de vous. Tu sais, ce matin, là, vous êtes dans votre ordinateur, vous êtes en train de lire la Bible dessus, là, votre ordinateur, votre tablette. Ça veut dire que ça appelle des chrétiens qui font ça. C'est pas les convertis comme ceux-là. Donc, vous avez des chrétiens qui ont consacré leur vie entière juste à traduire une Bible en français pour que tu puisses la lire. Ça a coûté des millions juste pour qu'une gang s'assoie. La Bible en français courant, j'avais lu la mise en place, ça a pris 12 ans à la traduire. Puis il y était 12 traducteurs. Mais vous, comment ça a pu coûter? Pour avoir une Bible en français. Et là, cette Bible s'est répandue à travers la planète. On est interdépendant des gens. Et on n'y pense pas. On prend pour acquis que la Bible en français est là, puis j'en ai 12 à la maison. Mais on ne se rend pas compte qu'il y a des frères et sœurs qui ont investi des vies, de l'argent, du temps, pour que j'ai une Bible en français que je puisse la lire. Il y en a que ça va être leur vie. Ça va être leur ministère pour l'œuvre de Dieu. C'est leur ministère. J'ai déjà parlé d'Hélène Sainte, une jeune femme dans la vingtaine, elle a fini ses études en théologie. Elle avait fait une spécialisation dans les Grecs et l'Hébreu. Elle est partie aux Indes, dans un petit village. Elle a appris la langue de ce petit village-là. Elle a traduit le Nouveau Testament dans la langue qu'elle avait appris. Elle a passé sa vie à faire ça. Ça, c'est des gens qui œuvrent pour Dieu aussi. Ça ne veut pas dire que c'est plus spirituel, mais il y a des gens qui vont... Puis nous, on ne s'en rend pas compte. Puis peut-être dans 10 ans, dans 30 ans, les gens qui vont lire cette Bible-là dans leur langue maternelle, ils ne penseront plus pantoute à Hélène 5, ils vont prendre ça pour acquis que c'est là. Puis que sans reconnaître ou rendre grâce à Dieu qu'il y a des gens qui ont consacré leur vie pour qu'on fasse ça. Donc, il y a des gens qui, sans qu'on s'en rende compte, il y a des gens qui sont en dehors de nous, dans d'autres églises, qui ont un impact sur nos vies à nous aussi. Et on ne s'en rend pas compte. Mais pourtant, il y a un Dieu qui est la tête de l'église, c'est pas la tête juste de notre église à nous autres, mais la tête de l'église, qui gère tout ça. Qui gère tout ça, qui fait que l'Église se développe à travers l'histoire, à travers le monde. Donc, le Seigneur peut nous aider à avoir ce qu'on a appris dans ces cinq chapitres-là. C'est-à-dire, comment je peux faire ça? Comment je peux vivre ça? Comment je peux mettre en pratique ça? Moi, je vais commencer par prier. Comment est-ce que je peux mettre ça en pratique? Comment est-ce que je peux vivre ça? Parce que j'ai, comme l'Église qui était là avait besoin de Timothée, avait besoin de Paul, nous, on a besoin aussi de l'Église, on a besoin des uns des autres pour être capable d'attendre le retour du Seigneur. Moi, quand je me sens de même, ça me paraît plus important. C'est pas juste pour dire je vais avoir une meilleure petite vie, puis je vais être plus simple, je vais être plus avoir de récompense. Non, non, ce que je veux, c'est être debout. Quand il va arriver, je vais avoir gardé, je vais être irréprochable. C'est ça que je veux. Et ça, ça ne se fera pas tout seul. Ça se fait que tout le monde se met en action, que tout le monde se met à faire ce qu'il y a à faire dans l'Église. Et quand il s'est venu me chercher, c'est ce que Paul va dire, puis il a dit déjà une fois, puis il va leur dire plus loin. Vous allez être ma joie au retour du Seigneur, comme je vais être votre joie au retour du Seigneur. Dès qu'on arrive de l'autre bord au retour du Seigneur, ça va être la joie de se voir là, mutuellement. Vous et moi, on a travaillé ensemble et on va être dans la joie quand le Seigneur Jésus va revenir. Et c'est ça le but. Si on oublie ça, si on perd ça, notre vision se dégage de ça, je vous garantis, tout ce que vous allez faire, c'est tourner en rond ici, dans le monde. Vous allez tourner en rond dans le monde ici. Et si je regarde de loin, je ne sais pas, je vous ai déjà raconté ça, permettez-moi de raconter deux choses. La première fois que j'ai conduit une automobile, première fois, c'était les chars tagro dans ce temps-là, hein, t'as large, mais t'as long, tagro. Puis c'était mon frère Claude qui avait l'auto, puis moi, j'avais pris, tiens, je vais te donner un petit coup de conduite. J'embarque là-dessus. Puis là, moi, je m'enligne sur la rue Lauriette, à Rascope, puis on allait vers l'église. Là, il y avait le restaurant, puis il y avait le musée, puis il y avait des autos chaque bord. Puis moi, je m'en allais là-dedans, puis je regardais, puis j'essayais de ne pas frapper personne. Puis, François, tu vas frapper quelqu'un. Lève tes yeux, puis regarde au loin. Regarde au bout. Puis regarde pas trop proche, tu vas frapper quelqu'un, là. Regarde plus loin. Il dit, lève tes yeux et regarde, là, regarde plus loin un peu. Tu vas t'enligner dans le chemin. Si tes yeux sont là-bas, tu vas t'enligner là-bas. Vous avez déjà fait ça en vélo, vous regardez à l'entour, d'un coup vous êtes dans le fossé, vous êtes dans le poignet, parce que vous ne regardez plus où vous allez. Et de regarder, puis j'avais dit, j'ai appris la leçon. Là, j'avais accompli ce coup-là, puis là je regarde un peu plus loin. Puis depuis ce temps-là, dans mon dos, la plupart du temps, je regarde plus loin. C'est ça qu'ils nous disent, c'est pas juste pour mon téléphone, on regarde plus proche. Donc c'est. Et je crois qu'il dit que dans le retour du Seigneur, c'est la même chose. Si vous gardez vos yeux vers la fin de la course, vous allez garder l'Évangile. Vous allez garder la fin. Vous allez être en bonne place. Mais notre tendance, notre chair, c'est ce que je disais à mon aîné cette semaine quand j'ai répondu. J'ai dit, moi, j'ai trois ennemis. Trois ennemis qui ne veulent pas que je me rende au retour du Seigneur. La chair, le monde et Satan. C'est mes trois ennemis jurés. Ils ne veulent pas que j'atteigne le retour du Seigneur. Ils veulent que j'abandonne de façon quelconque. Donc, on a vu dans notre texte, l'apôtre Paul nous en a parlé à quelques reprises, de ce Satan qui vient tenter, qui vient enfarger, qui vient emmener de la fausse doctrine dans l'Église, qui vient perturber l'Église pour qu'elle s'éloigne de l'Évangile et qu'elle ne soit plus irréprochable. Puis, il ne faut pas penser que Satan n'est pas capable. On a fait l'Apocalypse. Il l'avait fait dans cinq églises sur sept. Il dit, même Jésus dit une place, tu as des doctrines de démons dans ta guerre. Je ne sais même pas si vous avez été chercher ça, vous avez des doctrines de démons. Donc, il ne faut pas penser que Satan est inefficace et qu'il n'est pas capable d'intervenir dans l'histoire. Il est capable. Donc, ça peut nous donner de revenir sur ces vérités-là, s'enligner avec ce qu'on a pensé du progrès, de faire des progrès, d'avancer. Puis de voir aussi dans votre vie, comme dans la mienne, c'est quoi mon apport à l'Église? Qu'est-ce que j'amène à l'Église? Qu'est-ce que je peux donner de moi-même pour que l'Église puisse fonctionner et attendre le retour du Seigneur? C'est quoi ma part? C'est quoi mon implication là-dedans? Et c'est quoi que c'est important qu'on trouve notre place, qu'on voit ce qu'on peut faire. Et il n'y a pas de place secondaire. On a nos places que Dieu nous a attribuées, quand il nous a placés dans le corps. Et il dit maintenant, le corps va fonctionner à son meilleur, je peux dire, quand tout le monde est en fonction. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut regarder. Notre bon Père du ciel, merci de nous avoir instruits encore une fois. Tu nous as donné beaucoup d'impératifs, mais tu nous as aussi donné que tu travaillais la sanctification de tes enfants, afin qu'on soit entièrement saint, afin qu'on soit irréprochable lors de l'avènement de ton Fils. C'est notre désir, Seigneur. On ne veut pas être trouvé à moitié habillé, on ne veut pas être trouvé à moitié fonctionnel, on veut être trouvé saint, on veut être trouvé irréprochable, on veut être trouvé dans l'attente, on veut être trouvé veillant et sobre. On veut être trouvé en train de faire du progrès d'année en année, de semaine en semaine. Et Seigneur, fait qu'on puisse voir les prophéties, non pas les mépriser en les ignorant, en s'y attardant pas, mais vraiment en les aimant, en les chérissant, ces vérités-là, ces prophéties-là. Et que ce soit notre guide, qu'on puisse lever les yeux, puis c'est là qu'on s'en va. C'est là la fin de notre voyage, afin que ça puisse nous aider à prendre les bonnes décisions ici. Au nom de Jésus, amen. Amen. Tournez avec moi dans Galates, pour le repas du Seigneur ensemble. Galates, chapitre 5. Vous vous souvenez, dans Galates, on l'a déjà étudié ensemble. Galates est en train de s'éloigner et d'aller adhérer à un autre évangile. Vous savez ça, hein? Il commence de même. Il dit, je suis surpris à quelle vitesse vous êtes détournés de l'évangile pour adhérer à un autre évangile. Paul était surpris de voir à quelle vitesse ça avait été. Puis, toute son épître est là pour dire, les petits gars, vous n'êtes pas dans la bonne direction. Laissez-moi, donnez-moi le privilège de vous avertir, de vous exhorter, de vous réaligner vers la vérité. C'est ça qu'on a besoin, qu'on soit réaligné, exhorté, mis en place. Puis, au verset chapitre 5, il dit, « C'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. » Le mot « affranchi », ça nous dit quoi? À quoi vous pensez quand vous dites affranchi? Vous avez affranchi une enveloppe. Non, vous pensez à ça? On affranchissait les enveloppes quand on était jeune, on mettait un thème dessus. On affranchissait. Donc, si on ne mettait pas un thème dessus, elle ne pouvait pas bouger l'enveloppe. Elle n'allait pas nulle part. Mais notre enceinte, hop, elle rentrait dans le système, ça s'en allait. Je pensais à un esclave affranchi. Oui, mais ce n'est pas dans notre langage à nous. Quand on parle dans notre quotidien à nous, affranchi, on utilise presque pas le langage dans notre quotidien, nous, parce que ça ne fait pas partie de notre culture. Mais affranchir, c'est donner la liberté à quelqu'un. C'est ça que ça veut dire. C'est un langage d'esclavage. Mettre un seau, François? Non. Tu mettais un seau sur celui que tu avais affranchi, mais le seau n'était pas l'affranchissement. Okay? Je payais pour affranchir, et puis un coup, je l'avais acheté, je marquais ma marque, et c'était mon esclave. Okay, tu m'appartiens maintenant. Mais la marque, ce n'est pas l'affranchissement. Donc, l'affranchissement, c'est. Il dit, vous avez. C'est pour la liberté, contraire de l'esclavage. Dieu a payé un prix fort pour que vous soyez libre. Donc, il dit, demeurez donc libre. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sur le joug de la servitude. Voyez-vous la tendance du croyant, la tendance de l'Église, la tendance de l'être humain. C'est ça. On ne se méfie pas. On pense qu'on est correct, on n'a pas de problème. Sauver un jour, sauver toujours, on est correct. Non, ça, c'est de l'endormitoire, ça. Il dit, vu que vous avez été affranchis pour la liberté. Donc, restez là, restez ferme. Ne vous laissez pas mettre de nouveau. Donc, il y avait quelqu'un, quelque chose, qui voulait les ramener sur le joug de la servitude. Il voulait les ramener à l'esclavage de d'autres choses. Dieu m'a affranchi, moi, pour que je puisse servir lui, que je puisse être son enfant, que je puisse être son esclave, son serviteur, dites-le comme vous voulez. Mais il y a quelqu'un qui s'acharne à me ramener à l'esclavage. C'est mes trois ennemis de tout à l'heure. Okay? Les autres, ils s'acharnent à me ramener dans l'esclavage. C'est pour ça que vous allez voir tant d'églises qui veulent retourner à faire des choses, pas pour manifester leur foi, mais pour gagner quelque chose. Bénédiction, récompense, absolution, je ne sais pas comment vous pouvez le dire. On veut payer pour quelque chose. On veut ramener. Et je vous l'ai déjà dit, je vous le répète, la plupart des épîtres sont écrites toujours dans le même but. L'Église est en train de s'éloigner, puis Paul ou Pierre veut les ramener à la vérité. Il dit la même chose à l'Épître aux Hébreux. Si vous faites ça, vous êtes perdu. Vous ne pouvez pas aller dans cette direction-là. Vous ne pouvez pas. Donc, et c'est pour ça qu'on retrouve, 30 ans plus tard, Jésus qui s'adresse à l'Église, ils n'ont pas écouté. Une partie d'entre eux n'ont pas écouté. Ils sont perdus. Sont décalés, ils sont abandonnés, les doctrines de Balaam, les doctrines de Nicolaïte, les doctrines de tout ce que tu veux, qui sont partis dans une autre direction. Il faut être conscient qu'il y a cette forme de danger-là qui guette toujours l'Église et chacun des individus. C'est pas qu'on veut se faire peur, c'est juste une réalité. Moi, quand je dis à mon gars qu'il y a des loups dans le bois, je ne peux pas y faire peur. Je veux qu'il n'y aille pas. Je veux qu'ils comprennent qu'il y a du danger. C'est par affection que je dis, va pas là, il y a du danger. Ce n'est pas juste, je veux te faire peur, puis tu aies peur. Ce n'est pas la fin de l'affaire. Mais je veux lui parler des loups, qu'est-ce que ça fait, tout ça. Il va peut-être comprendre, oh, c'est malin des loups. Mais mon but, ce n'est pas juste que tu aies peur des loups, c'est que tu comprennes que c'est ce côté-ci que tu laisses pas plus se rendre dans le bois. Donc, voici moi, Paul, je vous dis que si vous faites circoncis, si vous voulez ajouter quelque chose, Christ ne vous servira de rien. Il dit, si vous voulez ajouter la circoncision dans votre vie chrétienne pour être sanctifié ou justifié, Christ ne vous sert plus à rien. Vous ne pouvez pas mélanger le Christ avec quoi que ce soit. Vous ne pouvez pas. Peu importe avec quoi vous allez le mélanger, il ne l'accepte pas. C'est moi toute seule, pure et dure, ou rien. Donc, il dit, et j'affirme, au verset 3, encore une fois, donc ce n'est pas la première fois qu'il en parle, à tout homme qui se fait circoncire, donc il veut retourner à la pratique de la loi, qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Fort comme langage. Là, il ne parle pas à une église, il parle aux églises de la Galatie. Donc, qui ont pas, qui se sont en train de se laisser enfirouaper. C'est qui? Tu emploies ce mot-là, enfirouaper? C'est quoi ça? Tu l'emploies de temps en temps, hein? C'est enfirouappé par des faux docteurs, des faux prophètes, des juifs surtout, qui voulaient ramener l'Église à pratiquer la loi pour être justifiée. Ils ne disaient pas de rejeter le Christ, là. Tu as assez faim pour ça, là. Non, non, le Christ est important, hey, c'est notre Messie qui est mort. Mais il n'y a rien de mal à rajouter un petit quelque chose, là, tu sais. Un petit peu gâteau, une petite limbe, un petit lampion à Marie, tu sais, on peut en mettre des petits bouts, là, tu sais. On peut rajouter un petit quelque chose, ça devient mal, on regarde Jésus-Christ pareil. Là. Non, on dit non, non, non, c'est Jésus-Christ seul, rien d'autre. Verset 5, pour nous, c'est là par la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Donc l'apôtre Paul voit dans le même sens que Seigneur Jésus-Christ, je crois. Rappelez-vous ce que j'ai fait, c'est seulement par la foi. N'ajoutez rien à ce que j'ai fait, pour votre justification aussi. Donc, ce qu'on va faire va manifester, mais ne va pas me rendre justice, ne va pas me rendre plus juste, ne va pas me rendre plus saint, va juste manifester ce que je suis. Donc, il dit, mais pour vous aider à rester attaché à la vraie évangile, faites de repos du Seigneur. Ça va vous garder vers l'essentiel. Ça va vous garder à ce qui est important, à la base, au fondement de la foi. C'est ce qu'il dit, là. Il dit, pour nous autres, c'est par la foi qu'on attend. C'est Jésus-Christ. On n'a pas de confiance dans la circoncision ou l'incirconcision des œuvres, de quoi que ce soit, pour notre justification. Je vous l'ai répété depuis quelque temps. On va vous le répéter pendant jusqu'à temps que Gaétan revienne. La croix, c'est un acte de justice. Dieu a rendu justice. Dieu a été juge. Il a regardé Jésus qui était là. Il dit, t'es coupable, t'as pris les péchés. Donc, tu deviens coupable. T'es digne de mort. T'es digne d'être jugé. Et Dieu le fait mourir. C'est un acte de justice, là. Pas un acte de vie, c'est un acte de mort. Tu donnes la mort à quelqu'un. Et c'est ma mort qui fait que Dieu, maintenant, à ceux qui vont, par la foi, s'attacher à Jésus, vont nous transmettre cette justice-là qui a été acquise par la mort de Jésus-Christ. Va vous nous donner par association, par la foi, il va nous donner. Donc, il n'y a rajouté à rien. Si vous rajoutez quelque chose, vous êtes en train de dire que le sacrifice de la croix n'est pas suffisant. Ben, ne faites pas ça. Donc, gardez la foi, l'Évangile. Et si vous faites cela, vous allez être irréprochable au retour du Seigneur Jésus-Christ. Vous n'allez rien enlever, vous n'allez rien rajouter. Vous allez avoir gardé l'Évangile que je vous avais transmis. Donc, on va prendre le repas pour se rappeler ça, ensemble, toute la gang. On est tous dans le même groupe. On se rappelle ce que Jésus a fait pour nous. Donc, le Seigneur Jésus, le dernier soir, était avec ses disciples. Je vous laisse quelque chose pour vous aider à vous rappeler. Comme le repas pascal vous rappelait la délivrance de l'Égypte, maintenant, vous allez vous rappeler la délivrance du péché, de la mort. Vous allez vous rappeler cela. Et donc, en brisant le pain, vous allez vous rappeler que mon corps a été déchiré et brisé pour la rémission de vos péchés. Mangeons ensemble. Ces souffrances l'ont amené jusqu'à la mort, donc la coupe représentait le sang de l'agneau. Quand il y avait le sang sur le linteau, c'est que l'agneau était mort en quelque part. Donc quand tu versais le sang sur l'autel, tu versais du sang quelque part, c'est qu'il y avait un animal qui était mort. Donc il dit, quand vous allez prendre la coupe, rappelez-vous, je suis mort. Je suis mort pour que la justice vous soit accordée par la foi. Buvons ensemble. S'il y en a qui aimeraient prier, Père Céleste, on veut se rappeler que par la mort du Seigneur Jésus à la croix, on a été justifié, on a été pardonné. On veut se rappeler, Seigneur, aussi que dans ta grâce, tu nous as donné la repentance, nous as donné la foi. Et on veut te louer, on veut t'exalter, Seigneur, te glorifier. Mm. Au nom du Seigneur Jésus. Seigneur, si on reprend les paroles de Paul, tu nous as affranchis. Il y avait juste une façon d'affranchir un esclave, c'était de payer un prix. Et le prix, ça a été ton sang. Le prix, ça a été ta mort. C'est pour ça que tu as dit toi-même, je vais servir de rançon pour plusieurs. Ça va être moi qui va payer par ma vie, par mes souffrances, par ma mort. Je vais payer le prix du rachat. Et tu nous as donné, tu nous as racheté de la mort, tu nous as racheté du péché, tu nous as racheté de l'esclavage de Satan, nous étions sous sa domination, pour donner une liberté pour te servir. Au Seigneur notre Dieu, donne-nous, comme l'apôtre Paul a dit dans notre texte, de jamais se laisser maintenant ramener à la servitude. Nous voulons rester attachés à ce que tu as fait. Tu sais à quel point c'est notre chair veut aller dans une autre direction. Notre chair veut aller vers les œuvres, vers la moralité pour être justifié. Mais tu nous dis non. Donne-nous la grâce, Seigneur, en tant que groupe, en tant qu'assemblée les uns avec les autres, qu'on puisse s'exhorter, s'encourager, prier les uns pour les autres, afin qu'on soit capable ensemble d'être debout le jour que tu vas venir chercher ton peuple. C'est au nom du Seigneur Jésus que nous te prions. Amen. Amen. Amen.